Bonjour, déjà le 8e épisode de Piste Nordique. Depuis une semaine, les championnats du monde de ski nordique se déroulent à Oberstdorf. À la rédaction de Nordic Magazine, on ne manque aucune course, vous l'imaginez bien. Et il faut voir lui s'engager sur un pronostic, Florian lui expliquer que c'est du grand n'importe quoi, Mathis argumenter à son tour. Heureusement que Marine est là, en grande spécialiste du saut spécial, pour prendre un peu de hauteur. Encore que... Tous soutiennent l'équipe de France, espèrent que tel ou tel athlète va avoir rendez-vous avec son destin. Et puis, il y a les autres nations. On l'avoue, certaines ont la cote, d'autres moins. On reconnaît qu'il y a beaucoup de parti pris dans cette histoire, de préjugés et aussi quelques bonnes raisons. Vous me comprenez. Et il y a les fondeurs, les combinés ou les sauteurs qu'on préfère... à d'autres. Le palmarès n'entre pas toujours en jeu. Cela ne serait pas drôle si on n'aimait que les numéros 1, les leaders, les gagnent tout le temps. Le respect est là, mais pas toujours l'atome crochu. Le petit truc en plus qui fait qu'on a plaisir à voir évoluer un compétiteur, qu'on a de la joie rien qu'à le regarder réussir, surtout quand le scénario n'est pas écrit à l'avance. On peut être ému, déçu, en colère pour lui. Cela tient à une attitude, un style, une réputation, une histoire personnelle, une façon de bouger sur la piste ou dans les airs, une émotion, un comportement devant les médias. Rien de concret, que du ressenti, mais du beau ressenti. Cela tient surtout au fait que l'on soit fan de sport. Finalement, c'est un peu comme dans la vie. Tout le monde ne nous plaît pas et on ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Il y en a un qui plaît beaucoup et que tout le monde aime bien, c'est Mathis Fessard, parce que chaque jour, il nous livre son journal des mondiaux. Bonjour Mathis. Bonjour Franck. On te retrouve pour ton journal des mondiaux. Et oui, comme chaque jour, je vais vous résumer l'actualité des championnats du monde de ski nordique à Oberstdorf. Et si tu commençais par nous présenter ce dont tu vas nous parler ? Eh bien, je vais brièvement vous donner les résultats du jour du 4x5 km dames de ski de fond et de l'individuel Gundersen masculin sur grand tremplin de combiné nordique. Alors, on débute avec le relais féminin. Et comme à peu près tous les jours quand je vous parle de ski de fond, c'est à nouveau la Norvège qui est montée sur la première marche du podium. Juste derrière, on retrouve la Russie et enfin la Finlande qui a lutté jusqu'au bout avec les États-Unis. Tu vas maintenant aborder le concours individuel sur grand tremplin masculin de combiné nordique. Et sur cette compétition, c'est Johannes Lamperter qui s'est illustré en gagnant l'or devant Jarl Magnus Ribber et Akito Watabe. Laurent Mulletaler occupe le 9e rang à l'arrivée. Super. Eh bien, merci pour ce condensé des résultats du jour. Mais dans l'actualité, il n'y a pas que des médailles, je crois. Eh oui, tu fais bien de le dire. J'ai sélectionné quelques informations qui sont susceptibles d'intéresser nos auditeurs ce soir. Nous t'écoutons. Je vais commencer par poursuivre dans la thématique principale de mon journal d'hier, à savoir la Covid. Après un test qui s'est déclaré positif pour Halvor Agner Granerud mercredi matin, c'est la panique générale pour l'ensemble de l'équipe norvégienne qui a peur des cas contacts. Bien heureusement, les tests du jour n'ont révélé aucun nouveau malade chez les sauteurs. Les mondiaux se poursuivent donc pour cette équipe. Et en parlant de Covid et de Norvège, je crois savoir que l'équipe de combiné nordique de cette nation n'est pas exempte de tout reproche. Eh oui, on a appris ce matin que cette équipe avait été mise à l'amende. En effet, de nombreux responsables, mais aussi athlètes, auraient été aperçus sans masque en zone mixte. La Fédération internationale de ski prévient, en cas de récidive, ils n'hésiteront pas à retirer les accréditations des fautifs et à leur attribuer de lourdes amendes. Terminons ta page sur les Norvégiens avec un retrait surprise qu'on a appris aujourd'hui. Eh oui, et on ne le savait pas avant aujourd'hui, mais Sjur Rothe va être papa. Le terme de la grossesse de sa femme est prévu au 7 mars et donc il a décidé de retourner à son chevet pour vivre les derniers jours avant le changement de leur vie à ses côtés. Du coup, il ne participera pas au relais de demain. Et du coup, qui sera aligné côté scandinave ? Eh bien, Franck, dans un premier temps, c'est Paul Goldberg qui lancera Emilie Versen. Ensuite, Ann-Christer Holund aura la tâche de donner le relais à Johannes Østflot-Klebe dans les meilleures conditions. Très bien. Et enfin, je crois que tu veux nous dire un mot sur Linsvan, qui espère encore disputer une course à Oberstdorf. Eh oui. Au début de ces mondiaux, on ne pensait pas que ce serait elle qui serait au bord de la mise à l'écart, tant elle était promise à gagner des médailles d'or à Oberstdorf. Mais au vu de son résultat sur le sprint d'ouverture, où elle sort dès les demi-finales, et du fait que depuis, elle n'a toujours pas couru, même pas sur le relais d'aujourd'hui, on est en mesure de se demander si les entraîneurs vont lui laisser sa chance pour le 30 km classique. En tout cas, elle aurait exprimé son souhait d'y participer. Mais bon, au regard du résultat d'ensemble très mauvais sur le relais aujourd'hui, Linsvan a sans doute regagné de l'espoir pour la course de samedi. On vous donnera la sélection demain. En tout cas, Mathis, on te retrouve en fin de podcast pour le programme de vendredi. À tout à l'heure. Qui dit ce qu'ils font dit Louis Delvinquière. Bonjour Louis. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'était le premier relais des mondiaux et les dames ont bataillé sur la piste d'Oberstdorf. Et oui, comme d'habitude, ce sont les dames qui ouvrent le bal sur les compétitions. Le relais 4x5 km avec deux relayeuses en classique puis deux en skating a eu lieu aujourd'hui, toujours sous la chaleur d'Oberstdorf. Et à l'arrivée, c'est encore une fois la Norvège qui gagne. Oui, sur toutes les compétitions de ski de fond depuis le début de la quinzaine des championnats du monde, la Norvège n'a perdu que 3 compétitions sur les 9 disputées. C'était sur le sprint féminin, le skiathlon masculin et le team sprint féminin. Et aujourd'hui, leur victoire est une belle revanche. Peux-tu nous rappeler pourquoi ? Eh bien, revenons 2 ans en arrière sous le soleil de Seefeld. Le dernier relais oppose Stina Nilsson, alors fondeuse et championne du monde du sprint, à Therese Johaug, la reine de la distance. Dans la dernière ligne droite, la Suédoise qui s'était accrochée au ski de la Norvégienne avait logiquement déposé son adversaire pour offrir le titre à la Suède. Cette fois-ci, on y reviendra plus tard, la Suède n'a pas existé et la Norvège a tout écrasé. Et ce n'est pas un titre anodin, plusieurs titres pour les relayeuses norvégiennes. Effectivement, Franck, ce titre a plusieurs significations dans l'équipe. Tiril Oudnesveng, excellente en première relayeuse, et Hélène-Marie Fosse-Solm, brillante en finisseuse, remportent ce jeudi leur tout premier titre sur des championnats du monde. Logique pour Fosse-Solm qui dispute ses premiers mondiaux à seulement 19 ans. Tiril Veng avait, elle, participé au sprint à Seefeld. Elle avait terminé 15e. Et pour les autres, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, il y avait évidemment Heidi Veng et Therese Johaug qui disputaient ce relais. Et les deux fondeuses stars norvégiennes remportent quant à elles leur 4e titre en relais. Elles l'avaient emporté ensemble en 2013 dans le Val di Fiemme et en 2015 à Falun. Johaug, présente avant Veng sur le circuit, avait eu l'or en 2011 à la maison à Oslo. Heidi Veng avait remporté l'or avec le relais norvégien en 2017 à Larti, alors que Therese Johaug était suspendue, on s'en souvient. Et derrière les norvégiennes, alors, qui retrouve-t-on ? Eh bien, c'est la Russian Ski Federation. Disons tout simplement, la Russie. Et oui, toujours pas de Suède, soyez patients. Effectivement, les Russes ont été les plus impressionnants derrière les Norvégiennes, et notamment en classique où les deux relayeuses Yana Kirpichenko et Yulia Stupak laissaient seule la Russie aux côtés des grandes Norvégiennes. Puis Johaug arriva et mit fin aux espoirs de victoire russe. Oui, bah évidemment, j'ai envie de te dire. Tatiana Sorina, en face d'elle, n'a même pas tenté le diable et s'est juste accrochée sur la première partie en libre. Elle a laissé filer Johaug sans pour autant perdre le fil, car elle lançait Natalia Nepliaeva à une 20aine de secondes de Fosse-Solm pour le dernier relais. Et à l'arrivée, c'est une 2e place, qui plus est une très belle performance pour cette équipe féminine russe. Effectivement, Franck, et aussi surprenant que cela puisse paraître, la Russie n'avait pas fait aussi bien depuis 2005. Le relais russe féminin, avec notamment dans ses rangs la triple championne olympique Yulia Tchepalova, s'était classée 2e, derrière la Norvège de Marit Bjørgen, évidemment. Ah oui, d'ailleurs, c'était déjà à Oberstdorf. Alors, il reste encore une place sur le podium. Qui retrouve-t-on dessus ? À votre avis, États-Unis, Finlande ou Allemagne ? Je vous laisse une petite seconde. Et oui, l'invitée surprise finlandaise, pas forcément attendue sur le podium, vient finalement surprendre son monde. Pourtant, dans le dernier tour, Jessie Diggins envoyait du lourd face à Krista Parmakoski. L'Allemande Victoria Karl craquait, elle n'était alors plus que 2 pour 1 place. Mais dans la dernière ligne droite, Diggins, qui avait tout donné, voit encore s'échapper la médaille face à une Parmakoski très intelligente et puissante dans les derniers mètres. Ce podium offre donc une médaille à Riitta-Liisa Roponen, 42 ans, et qui était déjà la meilleure finlandaise sur l'individuel il y a 2 jours. Sinon, Diggins n'a toujours pas de médaille, et c'est bien dommage pour la leader du classement général, qui semble un peu moins bien sur ses mondiaux que sur la Coupe du Monde. Bon, on a parlé de la Norvège et de la Finlande. Où est passée la Suède, grande favorite sur le papier ? Perdue au ralenti à la traîne, loin de tout et très vite. Sans doute un gros problème de fartage du côté de la Suède, qui visait gros, très gros, aujourd'hui après avoir joué ses derniers jours au chat et à la souris avec la Norvège. Mais déjà, lors du premier relais exceptionnellement donné à Jonas Sundling, On sentait que ça allait être une belle journée de galère pour les Suédoises. Et c'est Charlotte Kalla qui a complètement perdu le contact après. Ah ça, on peut le dire. Sundling donnait le relais à Kalla, deuxième classiqueuse du jour pour la Suède, à une dizaine de secondes de la tête. Ça va encore. Puis, alors qu'on la voit partir fort dans les premiers mètres, l'image d'après témoignera déjà d'une grande détresse. On voit Charlotte Kalla, déjà perdue en 8e ou 9e position, au ralenti et lâchée par des nations bien moins fortes sur le papier. Kalla ne peut pas défendre ses chances et les secondes s'égrènent petit à petit et très lourdement. Au final, Ebba Andersson, 3e relayeuse, partait aux alentours de la minute 30. Frida Karlsson, qui a bouclé le relais, termine 6e pour une Suède battue, abattue et fébrile, à 2 minutes de la tête. Rendez-vous maintenant pour elle samedi pour le 30 km classique où les Suédoises auront soif de revanche. Oui, et ce sera la dernière chance des Suédoises sur ces mondiaux pour renverser Johaug en passe de refaire le triplé sur les distances comme à Seefeld. Andersson et Karlsson auront la rage de vaincre et auront le plus d'armes entre leurs mains pour tenter de faire vaciller la reine Johaug. Sinon, demain, on se retrouve pour débriefer le relais masculin avec, on l'espère, une belle équipe de France, bien placée sur la boîte. En effet. D'ailleurs, en exclusivité, je vous donne la composition du relais. Hugo Lapalu lancera la course, puis Maurice Magnifica suivra en classique. Clément Paris prendra place en 3e sur la piste, et Jules Lapierre bouclera la boucle d'un beau relais tricolore. Allez, salut Franck et salut à tous, à demain pour de nouvelles aventures. Merci Louis, à demain. Depuis plusieurs éditions maintenant, Jacqueline Morao est la doyenne des mondiaux de ski nordique. Plus que sa longévité, ce qui nous surprend chez la Brésilienne, c'est son parcours de vie. Arthur Massot vous le présente à l'occasion de sa chronique quotidienne. Bonjour Arthur. Bonjour Franck. Et oui, sacré personnage que cette Jacqueline Morao. Tout au long de son enfance, à Belo Horizonte, elle n'a jamais vraiment pu faire de sport, la faute à son asthme et à ses séjours fréquents à l'hôpital. Mais ses problèmes réglés, la voilà qui se met au VTT durant son adolescence. Grâce au Centre Mondial du Cyclisme, elle devient professionnelle à 23 ans et se met en tête de participer aux JO. Lors d'une épreuve de sélection, elle est logée chez le fondeur canadien Guido Visser. C'est le coup de foudre. Le couple se marie l'an suivant et Jacqueline Morao devient francophone. Et c'est Guido Visser qui l'amène au ski de fond. Exactement, Franck. Et l'affaire est rocambolesque, puisqu'elle a appris à skier en à peine 4 mois. Au jeu de Turin, elle ne savait même pas enfiler ses skis. Depuis, elle progresse et enchaîne les participations aux mondiaux et aux JO. Elle est devenue la première brésilienne à avoir participé aux jeux d'été et d'hiver. Elle en totalise désormais 6. Surtout, Jacqueline Morao dure. A désormais 45 ans, elle a encore terminé 4e des qualifications la semaine dernière et elle devrait rester encore un petit peu. Elle vise désormais Tokyo cet été et voudrait terminer sur les Jeux de Pékin l'an prochain. Et demain, on change de sport, place au combiné nordique avec le Letton Markus Vinokradov. En combiné nordique, c'était jour de Gundersen, grand tremplin et un homme est entré dans l'histoire du sport, n'est-ce pas Florian Burgot ? Bonjour Franck et bonjour à tous. Et oui, un combiné nordique a marqué l'histoire ce jeudi à Oberstdorf. Et il ne s'agit pas de Jarl Magnus Rieber, mais de Johannes Lomparter. Ah oui ? L'Autrichien, sacré champion du monde junior il y a quelques semaines à l'Arty, est effectivement devenu champion du monde chez les seniors. Auteur le matin d'un incroyable saut à 138 mètres, soit 1 mètre au-delà du point HS, il a confirmé sa supériorité sur les skis l'après-midi pour s'offrir ce doublé historique. Jamais un combiné n'avait réalisé avant lui. Et Jarl Magnus Rieber, du coup ? Repoussé à plus de 30 secondes après le saut, le numéro 1 mondial norvégien, vite revenu sur Akito Watabe, n'a jamais été en mesure de jouer la médaille d'or. Toujours derrière le japonais sur la piste, il prend finalement la médaille d'argent en accélérant dans les derniers hectomètres. La légende nippone est quant à elle bronzée. Du côté de la France, quelque chose me dit que Laurent Mulletaler a réalisé une grande course. Tu es bien renseigné, Franck. Après un saut posé à 125,50 m dans du Fort Vendôme, il s'est lancé en 8e position sur la course de fond, avec le top 5 dans le viseur mais loin du podium tant le concours matinal avait créé des écarts. Finalement, il a manqué un tour au combiné des Rousses, finalement 9e en brandissant le point à l'arrivée. Après ma 7e place en Coupe du Monde, là, ma meilleure perf à Klingenthal, je pouvais pas venir ici sans viser le top 10 parce qu'on doit être encore mieux sur des mondiaux. On est préparé, on est ambitieux. Donc c'est vrai que c'était ce que j'avais annoncé et c'est réussi. Donc c'est une belle perf pour moi. De son côté, le junior Matteo Bo prend une très belle et encourageante 16e place, ce qui promet avant le team sprint. Je suis amplement satisfait, c'est une super performance pour moi sur ces premiers mondiaux de ma vie. Et ouais, je pense que mon saut était correct, c'est encore pas mon meilleur niveau, mais il y a encore un tout petit peu de marge et on va aller la chercher le plus vite possible. Et après ma course, j'ai fait ma course, je suis parti un peu vite, mais j'ai tout tenté, j'ai tout donné et en tout cas, je fais un beau finish et je finis 16e. J'ai rien à regretter et c'est une super journée pour moi en tout cas. Ce team sprint sera d'ailleurs la dernière épreuve du programme de combiné nordique à Oberstdorf et il est prévu samedi. On a vraiment hâte d'y être. Un petit mot enfin sur les deux autres Français engagés. Antoine Gérard est 29e et Gaël Bondo 34e. L'emparteur, 19 ans à peine, offre donc à l'Autriche sa 4e médaille. Le Tyrolien est le 2e plus jeune champion du monde de combiné de l'histoire. Quelle journée! Merci Florian. À demain Franck. Avec Marine Bouillet, nous allons maintenant parler saut à ski. Avec pour invité dans quelques instants Joséphine Panier. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Les filles ont donc vu leur mondiaux se finir hier. Oui, et comme vous le savez, c'est Maren Lundby qui est ressortie gagnante de cette épreuve inédite sur grand tremplin pour les sauteuses à ski. Pourtant, il aurait pu en être tout autrement. Vraiment? Dis-nous en plus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, Halvor Regner Granerud a été déclaré positif à la Covid-19. Résultat, des mondiaux terminés pour le maillot jaune et grand favori. Mais il aurait pu aussi faire tomber avec lui plus d'un compatriote, à commencer par Maren Lundby. Elle a en effet concouru avec lui sur le par équipe mixte et a reconnu qu'ils étaient tous plutôt proches, même s'ils respectaient les gestes barrières à ce moment-là. Mais mardi, la veille de ce fameux test positif, Lundby et Granerud étaient attendus à la même conférence de presse. S'ils devaient passer l'un après l'autre, ils devaient en revanche partager le même micro. Heureusement pour Lundby, par pure coïncidence, c'est elle qui passe la première en interview et elle ne croise donc pas son coéquipier. Granerud n'a pas non plus pu contaminer le micro avant son passage. Résultat, la Norvégienne se sent très chanceuse et n'a pas eu à se confiner. Tant mieux pour elle, car elle serait alors passée à côté de ce titre sur grand tremplin et d'un autre exploit, être la première sauteuse de l'histoire à remporter une médaille sur 4 épreuves aux mondiaux. Les Françaises aussi étaient présentes lors de ce rendez-vous historique. Et oui Franck, j'allais y venir. Si les deux tricolores sont encore rentrées dans le top 30 mondial hier, elles auraient pu espérer encore mieux. Joséphine Panier, 22e hier donc, nous l'explique au micro de Piste Nordique. Je suis plutôt déçue parce que j'ai pas pu mettre les éléments techniques que j'aurais voulu mettre en place à la compétition. J'ai fait des sauts qui n'étaient pas vraiment lâchés, j'ai retenu, j'ai un peu, comme on pourrait dire, mis le frein à main sur mes sauts. Mais la jeune Française est tout de même heureuse d'avoir fait le déplacement en Bavière. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais enfin, ça a été 2 semaines vraiment très très riches en expérience et je ressors vraiment grandie de ces 2 semaines, voilà. On espère retrouver les Bleus sur la tournée russe du Bluebird lors des 2 derniers week-ends de mars pour 4 dernières compétitions qui détermineront le maillot jaune et le globe de cristal. 4, c'est aussi le nombre de compétitions qu'il reste aux hommes. Plus exactement 3, car il y en aura une par équipe à Planitia et 3 individuels. Et avec 885 points d'avance sur ses concurrents, Halvor Egner Granerud est sûr d'être sacré vainqueur de la Coupe du Monde. La FIS le lui a d'ailleurs annoncé aujourd'hui et le Norvégien a ensuite avoué aux médias ne pas avoir pu retenir ses larmes, confiant qu'il s'était fixé cet objectif avant l'hiver, sans y croire vraiment. Un rêve devenu donc réalité, même s'il devra attendre encore au moins 2 ans pour devenir champion du monde. Car, on le rappelle, la compétition de demain se déroulera sans lui. Et oui, et après les premiers entraînements, je peux déjà vous donner les noms des grands favoris. Marcus Eisenbichler tentera de prendre un titre à domicile, mais il sera talonné par les Autrichiens Stefan Kraft, Daniel Huber et Philipp Aschenwald, ou encore les Polonais Stor et Kubacki, et pourquoi pas Zela, qui ferait alors le doublé avec le petit tremplin. Les Norvégiens Johansson et Tande pourraient aussi faire un gros coup en l'absence de leurs compatriotes. Résultat demain soir avec la compétition sur grand tremplin. Merci Marine, à demain. Merci Franck, merci à tous. Pour la 2e fois depuis le début de ce podcast, on accueille Mathis Fessard. qui va nous présenter le programme de vendredi à Oberstdorf. Eh oui, c'est encore moi, Franck. Rebonsoir. Bon, alors, à quoi va-t-on pouvoir assister demain en Bavière? Eh bien, vendredi comme aujourd'hui, nous aurons deux épreuves qui distribueront des médailles. Pour commencer la journée, ce sera le tant attendu relais 4x10 km masculin où les Bleus ont clairement leur chance, qui lancera les hostilités à partir de 13h15. Ensuite, en fin de journée, ce sera le concours masculin de saut à ski sur grand tremplin qui clôturera le programme du jour à 17h. Le combiné nordique se met quant à lui au repos avant une dernière échéance samedi avec le par équipe masculin. Merci Mathis pour ce programme et on te retrouve donc demain pour nous donner les résultats de toutes ces épreuves. À demain Mathis. Bonsoir à tous et à demain. C'est ainsi que se termine cet épisode 8 de Piste Nordique. Tous les précédents sont disponibles sur vos plateformes préférées, dont Spotify, Deezer, PodCloud ou encore Apple Podcast. Merci de votre écoute. À très vite.